Athéna? Dragonfly, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, pour regarder justement cette chimie organique et les interactions possibles entre l'atmosphère et le sol, il faut pouvoir se déplacer. Il faut aller à des endroits différents. On a envisagé à un moment donné de faire de Dragonfly un flotteur. On a voulu le faire poser sur un des lacs. Pourquoi ? Parce qu'on pense que vraiment les lacs, c'est très intéressant. C'est un milieu intermédiaire entre l'atmosphère, la surface et l'intérieur de Titan. Parce qu'on voudrait bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, non. Bon, il ne faut pas tout demander. On ne peut pas. Donc, aujourd'hui, Dragonfly va se poser avec des patins à différents endroits. Il va faire un échantillonnage des choses qu'on n'a jamais pu faire à tellement d'endroits différents. Comme vous disiez tout à l'heure, il va parcourir des distances assez extraordinaires et nous remettre les analyses. On a un système d'échantillonnage avec une aspiration par un des instruments qui va analyser sur place et va nous dire quel est le degré de complexité atteint. Il va falloir être patient. Je rappelle que l'arrivée sur Titan, si tout se passe comme prévu, est prévue pour 2034. Il faut vraiment être patient quand on travaille sur ces astres très lointains, Athéna Koustelis. Les astronomes, oui, on a ça, mais en même temps, c'est plutôt de la détente, parce qu'on n'est pas pressé, mais on va mettre 8 ans pour y arriver. Je rappelle quand même que pendant les 8 ans de trajet de Cassini-Huygens, on a fait beaucoup d'observations au sol, qui nous ont permis de savoir où est-ce qu'on allait atterrir. Par contre, Dragonfly a aussi une carte supplémentaire dans sa poche, c'est qu'on pourra, en ayant examiné un petit peu le sol en arrivant, savoir où on veut atterrir exactement. Dans un instant, nous allons nous rendre sur quelques autres satellites des planètes gazeuses. Beaucoup d'entre eux valent le détour également. Nous allons voir ce que sont ces tout petits mondes, ces petits mondes à part. Notre guide, l'astrophysicienne Athéna Koustenis, fait souffler des vents extraterrestres dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Mes frères, Titans, regardez-vous dans votre sortie de prison. Qui vous a mis là? Et maintenant que je vous libère, quelle est la première chose que vous allez faire? Bonne réponse. Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as par le vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas. On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a